Donc nous allons enchaîner avec la pantoufle dans la gueule. C'est Léa qui s'en occupe. J'explique à nos auditeurs. Léa a une minute, chrono en main, pour démolir un grand classique que tout le monde aime. Léa, tu balances ta pantoufle dans la gueule sur qui ? Alors, aujourd'hui, je balance ma pantoufle dans la gueule de Clint Eastwood et de son Million Dollar Baby. Il n'y a pas de meilleur mot pour décrire ce film que le mot « nanar ». Personnage prémâché et recraché, style l'entraîneur qui veut pas, la causette qui veut à mort, le vieux sage joué par un vieux noir qui joue que des rôles de vieux sage, la famille allemande très méchante, les américains très beaufs et ce tabouret. Oui, le tabouret est un personnage, c'est le grand méchant du film. Ce tabouret laissé là par hasard dans un ring de boxe, comme un deus ex machina inversé qui va nous les briser. Enfin, qui va surtout briser l'héroïne. Le scénario est simplissime. La fille veut ce coach là parce qu'il est trop sauvage, trop acariâtre, trop antipathique quoi. Il veut pas, puis finalement il veut bien. Il se trouve qu'elle est trop forte et qu'elle gagne tous ses combats en un seul round. La première partie est juste un dégueulis de clichés, la seconde est clairement un tire-larme larmoyant et moralisateur, c'est limite gênant. Mais ce qui m'agace le plus, c'est de se la jouer film féministe dans un milieu archi-macho. C'est très condescendant de la part de Clint Eastwood de nous faire croire ça, alors qu'Hilary Swank ne fait que de la figuration. Le véritable premier rôle, c'est lui. C'est extrêmement conservateur et rétrograde, mais ça ne nous étonne pas de la part de ce réalisateur. La vérité, c'est que je n'attendais qu'une chose à la fin de ce film, c'est qu'elle crève. Oh, ouais, bravo Léa. Ah, merci. Pas beaucoup de soutien. Oui, oui. On n'applaudit pas, nous. Non, non. Ah bon, moi j'aime bien. Wow, moi, ça, oui. Moi, ça me fait mal. Alors, on rappelle aussi, hein. que Léa est très sympathique dans la vie. La Thénardier, donc. Non, là, tout se tient. Merci Léa.